Oui, rebonjour donc. Tout à l'heure, j'ai permis d'être un peu assis parce que mes jambes sont quelquefois en désaccord avec ma tête. Et puisqu'il était question tout à l'heure de Victor Hugo, je vais vous offrir, si vous le permettez, par rapport à Nuit debout et par rapport au congé payé dont c'est le 80e anniversaire. Je suis né moi-même en 1936, donc l'anniversaire de congé payé, c'est aussi en quelque sorte le mien. Donc je vais vous interpréter ces deux poèmes qu'ensuite je vous offrirai parce que j'en ai quelques exemplaires à disposition. Si quelqu'un pouvait me tenir le micro, ça me rendrait service. Donc, Nuit debout. Si je te filme, vous n'êtes pas d'accord pour le filmer ? Donc, ça va pas. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit d'accord pour être filmé. Ben oui, toi ? Ben bien sûr, bien sûr. Je préfère que ça soit assumé parce que devant, c'est pas possible. Bon, en exergue un beau passage de Aimé Césaire. Debout maintenant, mon pays et moi. Stupeur, le peuple existe, en vrai, grandeur nature. Un peuple candidat à son investiture, hors système, hors parti, et presque insolemment, qui de la République a fait son campement de ville en ville, en une agora permanente, multiple et fraternelle, où se cherche, où s'invente un autre agir ensemble, au sein d'une cité rendant aux citoyens sa citoyenneté, qu'un leurre électoral emprisonne et muselle, et de l'ordre bourgeois confortant la tutelle, les droits du peuple étant bien que brandis, bornés, par des retours de gauche et de droite alternés, au gré du capital, qui de fait tient les rênes. Nuit debout, nuit féconde aux veillées souveraines, d'un peuple se dressant pour maîtriser son sort. Médusé, mais contraint d'en constater l'essor, les médias dominants mobilisent en hâte de peur que ce nocturne à la fin ne leur gâte les petits fours que leur réserve le pouvoir. Des experts patentés, exhibant un savoir de commande, ajoutant aux matraques rageuses contre cette éclosion leur glose venimeuse, préparant l'opinion à son écrasement qui se mijote au sein de ce gouvernement. Nuit debout, rameutant du peuple la mémoire, fidèle en profondeur à ses sursauts de gloire, sous l'apparent oubli de ses renoncements, lorsque l'heure a sonné pour ses soulèvements. Nuit debout, transformant en un soleil la lune pour un lever d'aurore aux lueurs de la commune. Et voici donc, pour l'anniversaire des congés payés, alors faut-il que je retrouve mes feuilles ? Donc, il se trouve que ces 80 ans sont également les miens. Je suis né le 29 janvier 1936. J'ai été professeur de philosophie pendant 40 ans. J'ai toujours lié mon enseignement à la littérature, à la poésie et également au théâtre, puisque je mettais en scène avec mes élèves théâtralement des textes philosophiques. Et j'ai été nourri dans mon enfance scolaire par l'œuvre de Victor Hugo, dans laquelle j'ai tenté de puiser un souffle à mes propres moyens et qui m'a inspiré depuis des années de commenter l'actualité en alexandrin. Donc voici ce que m'a inspiré le 80e anniversaire des nuits des congés payés. J'ai mis en exergue quelques repères historiques, notamment cette déclaration de la Fédération des industries à l'époque. Je cite « Le début d'une catastrophe économique, dans 3 ans la France sera ruinée ». On reconnaît les arguments d'aujourd'hui du patronat dès qu'il est question de toucher aux heures de travail, au temps de travail. Ou bien aussi, cette déclaration des cardinaux français en octobre 36. Notre pays, il faut l'avouer, a connu peu d'heures aussi graves. Un petit rappel au passage de l'alliance du sabre et du goupillon. Et je pense que cette alliance reste tout à fait contemporaine, même si parfois elle prend l'aspect d'autres engagements religieux. Ce fut l'effarement, le dégoût, puis la rage d'avoir à tolérer que l'on souille leur plage avec l'odeur du peuple en un déferlement trivial de vacanciers dont l'ébahissement face à la mer offrant du grand large et l'immense ose saucissonner sur le sable. Insolence, outrant la crinoline et le cigare hautain, dépossédés de leurs privilèges soudains par la faute d'un juif et d'une horde rouge donnant les pleins pouvoirs à la rue et aux bouges, au grouillement de la casquette, au point levé, comme si la commune avait ressuscité. Ce fut billet Lagrange en poche et à tue-tête, à nous la vie, chanté dans des wagons en fête, roulant sur l'inouï d'un rail vers un été qui serait désormais à tout jamais daté. Ce fut la joie encore incrédule, en famille, de voir qu'enfin pour eux aussi le soleil brille, loin du noir de l'usine, où hier encore, forçat, on trimait sous le joug cruel d'un patronat, certain d'avoir reçu des mains de Dieu lui-même, le haut clergé, l'ayant validé d'un baptême, le droit d'assujettir l'ouvrier, sans loisir, à merci corpéable, à son seul bon plaisir, dont ses semblables, de nos jours, rêvent encore. Ce fut un jour pareil à un lever d'aurore. Ce fut l'autel, ce fut pour la première fois la table où l'on vous sert à se sentir un roi, et des maillots de bain longs à sécher en laine, et pleins de cris d'enfants courant à perdre haleine, s'enivrant d'un azur qu'on leur avait volé, d'un azur si profond qu'il semblait étoilé des mille éclats d'une fraternité solaire. Mais d'un plus tôt Hitler que le Front populaire, cependant qu'à Madrid Franco armait leurs bras, la classe des nantis, sonnant le branle-bas, menaçait d'éclipser ce soleil prolétaire. Repensez à ce jour, vacanciers d'aujourd'hui, repensez à ce jour, vacanciers d'aujourd'hui, à ce jour fondateur où l'histoire a souri. Voilà. Donc je vais vous le faire. Et si vous avez quelques questions à poser par rapport à cela, je suis prêt à vous répondre. Parce qu'en réalité, faites un petit sondage dans la rue, demandez aux gens qui partent en vacances, savez-vous pourquoi vous en avez le droit ? Du moins pour ceux qui le peuvent, puisqu'il y a 3 Français sur 4 qui ne le peuvent pas. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont privés de vacances, heureusement qu'ils en ont grâce au Secours populaire encore. Mais faites un petit sondage et demandez un petit peu à quand ça remonte tout cela. Récemment, je m'y suis amusé, quelqu'un pensait que c'était Giscard d'Estaing qui avait autorisé les congés payés. Donc un retour dans l'histoire est important. Si on ne connaît pas l'histoire, on reste aveugle au présent et on ne peut anticiper aucun avenir. Je pense qu'il est important qu'il y ait des repères historiques fondateurs qui nous accompagnent, non pas pour des ressassements, mais pour des répétitions créatrices. Oui ? Voilà. Autre question ? Je peux ajouter deux petites notes en bas du poème. Au départ, voyez-vous, j'avais signalé Léon Blum, c'était le gouvernement de Léon Blum. Et voilà ce qu'on a pu lire dans la presse de l'Action française, les inspirateurs maurrassiens de la clique du Front National aujourd'hui. Pour la première fois, ce vieux pays gallo-romain sera gouverné par un juif, signé Xavier Vallat dans l'Action française. Et sous la plume de Céline, dans Bagatelle pour un massacre, je préférerais 12 Hitler plutôt qu'un Blum omnipotent. Ce ne sont pas des choses dépassées, ce sont des choses qui se réactualisent de façon nauséabonde. Voilà, il me pensait important de saluer les congés payés en ramenant l'histoire au présent et en disant de cette histoire, inspirons-nous de manière créatrice, de manière insoumise. S'il vous plaît. Voilà, le micro à qui le veut bien. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question en alexandrin? Ou pas forcément? Oui? Oui, je voulais vous demander d'abord merci pour ce magnifique poème. Qu'est-ce que vous entendiez par nuit debout transformant en un soleil la lune? Oui, parce que effectivement, si on reste la nuit debout, on finit par voir apparaître la lune. Mais voilà que la lune tout d'un coup s'éclaire du soleil qu'on est en train de saluer. Et c'est ce que je voulais dire. C'est qu'en fait, tout d'un coup, on transforme la lune non plus en un rêve d'habiter dans la lune, mais dans le rêve, effectivement, d'éclairer par le reflet qu'elle nous restitue ce que nous avons à faire aujourd'hui. J'ai une question, en fait, c'est... Là, votre poème, quand même, m'a rappelé, parce que c'était évident, mais m'a bien rappelé, que c'était un combat, une cause, quand même, c'est un rêve, je veux dire, on a du mal même à s'imaginer de demander ça, nous qui l'avons toujours eu, en fait. Et je me demande, en fait, qu'est-ce qui pourrait aussi, aujourd'hui, être aussi être fédérateur, parce que justement, c'est un rêve que tout le monde désire, et enfin, voilà, je sais pas... autour de quoi aujourd'hui on pourrait se rassembler aussi fort que ça, en fait? Eh bien, il me semble que, à la question que vous posez, l'existence de cette place où nous sommes est la réponse. Ce qui se cherche aujourd'hui au sein de notre peuple, c'est effectivement de reprendre l'initiative, c'est-à-dire de conquérir une véritable souveraineté populaire. On a trop peur du mot souveraineté. On traite tout ça de souverainiste. Mais la souveraineté peut s'entendre de manière progressiste. Je pense par exemple à une réflexion très forte de Marx dans le manifeste du Parti communiste en disant que par essence, la lutte du peuple est internationale, mais concrètement, par sa forme, elle est nationale. Il faut que nous soyons capables de retrouver cette dialectique. Il y a également le mot fameux de Jaurès, un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup d'internationalisme y ramène. Voilà, et c'est pourquoi nous avons à reprendre tout cela. Non pas en acceptant la fatalité, parce que tous les jours, les larbins de service dans les médias nous disent « c'est comme ça, on n'y peut rien, il faut s'y faire ». Eh bien non, il n'est pas question de s'y faire. Et d'ailleurs, si Nuit Debout existe, et si toutes sortes d'autres mouvements existent, Syriza en Grèce, même si ça a mal tourné, Podemos en Espagne, même si ça reste incertain, ici même le Front de Gauche, qui a réussi, qui a parfois échoué, et d'autres initiatives encore, nous sommes tous à la recherche ensemble de ce qui va permettre de dire que cet pays est le nôtre, que cet avenir, c'est nous qui le faisons, et que cette relation au peuple, c'est nous, c'est nous-mêmes, la fraternité. Voilà. Je suis confiant dans cela. Quelquefois, on me rit au nez. On me rit au nez parce que j'écris en alexandrin, mais parce que l'alexandrin m'a été inspiré par Victor Hugo, et parce que on doit à Victor Hugo, par exemple, pendant l'année terrible, pendant la guerre de 71, pendant la Commune, un magnifique et grand poème que je vous conseille de lire, qui s'appelle « L'année terrible », et qui commence d'ailleurs par ces deux vers splendides. « Quand t'as flatté la foule, ô mon esprit, non pas, car le peuple est en haut, mais la foule est en bas. » Or, nous avons à faire peuple, et non pas à rester foule. On reste foule quand on est dans le sentiment, dans la singularité, dans l'émotion. On le voit bien comment on nous exploite en tant que foule, avec l'histoire des attentats et les calculs sournois d'un état d'urgence censé le contrer, mais qui, à mon avis, cible une toute autre cible, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire le peuple. On cherche à nous transformer en foule, il faut que nous soyons capables de réagir en peuple. Voilà, en tout cas, c'est une énergie que, pour ma part, j'ai trouvée dans mes engagements, que j'ai trouvée à travers la philosophie, que j'ai trouvée à travers mes combats contre la guerre d'Algérie, contre la guerre du Vietnam, aujourd'hui pour le soutien à la cause palestinienne, et à travers la littérature, à travers la poésie, à travers Victor Hugo. Voilà. Est-ce qu'il reste quelques questions? Ou on s'arrête? Oui. Dans votre poème, vous parlez d'un peuple... Attendez, excusez-moi, j'essaie juste de retrouver. Voilà. Non, enfin, c'est pas grave. Mais vous faites allusion à la commune et à l'idée, en fait, d'une démocratie directe, j'ai l'impression. Est-ce que vous pensez que ce modèle est applicable sur l'ensemble de la France, en fait ? Ça, c'est une question tout à fait légitime, parce qu'on voit bien qu'il est plus aisé de réaliser cette démocratie directe en petit nombre de rassemblements qu'à l'échelle d'un grand pays. Mais ça n'exclut pas qu'à l'échelle d'un grand pays, on puisse s'inspirer de cette exigence, simplement pour en exiger que les candidats pour lesquels nous votons en soient porteurs, et qu'on s'inspire de la commune pour indiquer qu'ils seront révocables s'ils ne tiennent pas leur mandat. Parce que en 2 mois et demi, avant l'écrasement abominable par les Versaillais, la commune de Paris avait vraiment mis le peuple au pouvoir, avec l'alignement des salaires des députés sur les ouvriers, avec la gratuité de l'enseignement, l'égalité des filles et des garçons, toutes sortes de choses fantastiques qui malheureusement ont été écrasées dans le sang par Versailles et qui paradoxalement ont quand même inspiré les débuts de la révolution d'octobre, il faut quand même pas l'oublier. Et j'ai retrouvé la phrase, en fait, c'est quand vous disiez « un peuple candidat à son investiture ». Et à travers votre réponse, que je trouve très juste, c'est qu'en fait, effectivement, il y a Karl Popper qui critiquait la démocratie directe parce qu'il disait « le peuple ne peut pas se révoquer lui-même ». Et vous, dans votre réponse, vous évoquez des représentants qui, eux, seront révocables. Donc en ce sens, je vous remercie, puisque ça confirme l'intuition qui, moi, me paraissait juste de Karl Popper. Merci. Merci. D'autres questions encore ? Eh bien, je vous remercie de votre écoute. Et puis j'espère vous avoir apporté un petit moment culturel de cette manière-là. Si je peux en rajouter un pour vous, je dirais, cher ami, grand merci pour votre poésie qui en un bref instant nous a rendu Paris. Merci.